بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 60. Maintenant dans la 60e leçon, qui est la dernière leçon de ce livre qui touche à la foi au jour dernier. قال في السؤال ال 71 بعد 300. 371e question. اذكر بعض اسماء جهنم. Cite certains noms de l'enfer. Dans des audios précédents, nous avons pris des noms du paradis, comme Dal Salam, Dal Karar, Dal Maqama. Tamam. Donc là maintenant, savoir que l'enfer elle-même a différents noms. Là on parle en langue arabe. Qala min asma al-Jahannam. Déjà, Jahannam c'est l'un des noms de l'enfer en arabe. Al-Hutama. Wadalil qulu ta'ala, kalla la nunbadhanna fil hutama. وَمَا دَرَكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ En surat al-Humaza, Allah Azza wa Jalla a cité l'enfer comme étant al-Hutama. Également, l'Avva a été appelée l'Avva. Quand dans surat al-Ma'arij, verset 15, quand Allah Ta'ala, كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّعَةً الشَّوَى. Enfin, l'Avva, là le sens de l'Avva c'est l'enfer. ثُمَّ قَالَ Sakar. Également, il a été appelé Sakar. وَدَلِّقُلُ Ta'ala, يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سكر. Le jour ils sont traînés vers le feu sur leur visage, il leur sera dit goûtez le toucher de sakar, c'est-à-dire le toucher du feu. Elle commande à l'université 48. Également al-hawiya. Al-hawiya parmi les noms de l'enfer, comme قال تعالى فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Donc là dans ce verset là dans Al-Qari'a, même Hawiya, d'ailleurs, la dernière fois, dans, je crois qu'il y a d'autres doulous, j'avais traduit ce verset-là de façon incorrecte. Je crois que j'avais traduit cela comme étant la destruction, je sais plus. Quoi qu'il en soit, c'est une erreur, astaghfirullah. Et en réalité, Hawiya, c'est l'un des noms du feu de l'enfer. Donc on rectifie par rapport à ce qui était dit. Thumma qala al-sa'ir, également al-sa'ir, parmi les noms de l'enfer. Wa dalil qulu ta'ala, inna shaytana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Que certes, Shaitan est pour vous un ennemi, donc prenez-le en tant qu'ennemi, et qu'il ne fait qu'appeler son groupe afin qu'il soit parmi les gens du feu. As-Sa'ir, min Ashab As-Sa'ir. Fatir, créateur, verset 6. Thumma qala fi su'al al-thani wa sab'in bar 300, 72e question. Hal al-jannah wa an-nar tanfiyan wa tabidan. Ou tabidan, donc ce serait plutôt nam. Est-ce que le paradis et le feu disparaîtront ou sont-ils éternels? D'accord? Est-ce qu'ils disparaîtront ou alors est-ce qu'ils seront éternels? Et la réponse c'est que la belle ahluhuma mukhliduna fiha abada. On dira que les gens qui y seront définitivement, ils seront pour l'éternité. Donc le feu ni ne cessera, ni ne disparaîtra, et le jannah kadhalik. Et ça, c'est une chose qui est importante dans la croyance des gens de la Sunna. Parmi les adillah, quand le Ta'ala, Ata'an Ghaïd Majzouz, dans le sens où Allah dit, ils auront un don qui sera ininterrompu. Surat Hud, verset 108. Donc, quand le Ta'ala, Akluha Daimun wa Zilluha. Également, que sa nourriture sera continue ainsi que son ombre. Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 35. Donc, quand le Ta'ala, Wallazina Amanu Aminu Salihat, Sayyutriluhum Jannatin Tajjalimin Tarti Al-Anhar. Et ceux qui ont cru, qui ont œuvré, qui ont fait de bonnes actions, nous entrerons au paradis dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, ils seront éternellement. An-Nisa, les femmes, verset 57. Wa qulu ta'ala, inna Allah la'ana al-kafirin wa 'adda lahum sa'ira, khalidina fiha abada, la yajiduna waliyyan wa nasira. Que certes Allah a maudit les mécréants et leur a préparé un feu ardent. Ils seront éternellement, n'y trouveront ni alliés ni secoureurs. Al-Ahzab, verset 65 à 64. Et plein d'autres versets qui le montrent. Comme Allah Ta'ala, « وَمَا أُمِّي خَرَجِنِ مِنَ النَّارِ » qu'ils ne sortiront jamais du feu. Et ainsi de suite. Naam. Et il a été apporté des paroles du Cheikh Islam, disant comme quoi qu'il voyait que le feu, ça serait un jour. Est-ce que cela s'avère être vrai ou pas? On ne sait pas, en tout cas, parmi les derniers écrits qu'il a fait, il a justement fait un rod sur ceux qui prétendraient que le feu, ça serait un jour. Donc ce qui prouve bien que, quand bien même il l'aurait dit cela auparavant, sa dernière parole serait qu'il serait sur la croyance des gens de la Sunna par rapport à ce point-là, que le feu ne se fera jamais pour les mécréants. Wallahu ta'ala alam. ثم قال في السؤال الثالث والسبعين بعد 373 question. هل ستمتلأ الجنة والنار؟ Est-ce que le paradis et le feu seront remplis? قال نعم. En effet, seront remplis de chacun de leurs habitants. كما قال تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Que la, mon décret est irrévocable, que je remplirai le feu, ainsi que le paradis, de gens, de tous les gens. C'est-à-dire de tous les gens qui existent, certains iront au paradis, certains iront en enfer. Parmi eux tous. وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فذكر الحديث وفي آخره لكليكما علي ملؤها. Dans le hadith, c'est ce qu'on a expliqué dans le précédent, où l'enfer et le paradis justement ont eu un débat. Et à la fin, Azawajel, ou plutôt le professeur Salem, dit que Azawajel dira que pour toutes les deux, je vous remplirai. Toutes les deux, je vous remplirai, en fait. Ou le hadith, c'est Moutarakon Ali. Donc l'enfer sera rempli de ces gens, et le paradis sera rempli de ces gens. Maintenant, rempli, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de place. Ça veut dire qu'ils y seront tous, en fait. Car bien évidemment, par exemple, dans les hadiths, c'est venu que celui qui aura le dernier entre au paradis, le dernier qui va entrer au paradis, quelle est sa place? Il aura la dunya décuplée 10 fois. C'est-à-dire 10 fois cette dunya-là pour celui qui aura le plus bas niveau au paradis. Donc on a dit celui qui aura le plus haut niveau. Donc cette dunya remplie 10 fois. Ça prouve bien que le Jannah est un lieu qui est immense, immense et qui est inimaginable pour nous. Est-ce que cela veut dire que chaque coin du Jannah sera rempli? Non, il y aura des coins vides qui seront la propriété de ses habitants. Nasallallahu an yaj'ala minhum wa iyyakum. قال في السؤال الرابع والسبعين بعد 374 question. كم عظم جلد الكافر في النار ودرسه. Donc il dit quelle est la taille de l'épaisseur de la peau du mécréant dans le feu ainsi que ses molaires. قال عظم جلده مسيرة 3 أيام ودرسه مثل جبل أحد. Que sa peau soit d'une épaisseur si grande qu'elle équivaudra à 3 jours de distance. Et que ses molaires seront si grosses, elles seront si grosses que la montagne de Uhud qui se trouve à Médina. Wa dalil hadith Abi Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Rasul al-Kafir, ou Nab al-Kafir, Musa Uhud, ou Ghidaz, Jildihi, Masirat Salaf. Qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la dent, la molaire du mécréant, sera aussi grosse que Uhud. Et que l'épaisseur de sa peau sera. Qui vaudra à 3, c'est-à-dire 3 jours, distance de 3 jours. Donc le kafir sera énorme, énorme, énorme dans le feu de l'enfer. Et cela pourquoi? Afin qu'il puisse bien goûter le châtiment. Car s'il était sous notre apparence actuelle, la peau toute fine et aussi petite, il serait vite consumé. Donc bien évidemment, sa peau est consumée, tout sera consumé, et après la Azawajel lui remettra. Il lui remettra le châtiment. Dès que sa peau sera terminée, dès que sa peau sera finie, on lui remettra une nouvelle peau afin qu'il continue à coûter le châtiment. Donc le châtiment très long à subir, et en plus, tu penses qu'il est fini, il recommence à zéro, ainsi de suite, de façon éternelle. Wa li'azu billah. Thumma qala man hum ahl al-a'raf, qui sont les gens de A'raf, comme dans la sourate al-A'raf. Qala على سؤال 75 بعد 300 375 question. نعم. قوم استوات حسناتهم وسيئاتهم. Ce sont des gens dont les bonnes actions et les mauvaises sont égales. قال ابن كثير واختلفت عبارة المفسرين في أصحاب الأعراف من هم. Donc il a dit les gens du tafsir, les exégètes, ont différentes paroles au sujet de ces gens-là. Qui sont-ils? وكلهم قريبة ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ونص عليه حذيفة ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف ورحمهم الله. Donc il dit Ibn Kathir également, et que toutes les divergences qui ont été émises par ces exégètes reviennent toutes à un seul et même point, qui est que en fait ce sont des gens dont les actions mauvaises et bonnes seront égales. D'accord, et ça c'est une parole qui était cité par Ibn Abbas, et par Huzaifa, et par Ibn Mas'ud, et autres parmi les salafs, et d'autres parmi les contemporains. Ça, c'est une parole citée dans le tafsir de Ibn Kathir. Naam. ثم قال في السؤال السادس والسبعين بعد 376 question, ما هو مصيرهم؟ Quelle est leur destination à ces gens de A'raf? Où vont-ils finir? قال يوقفون بين الجنة والنار ثم يكون مصيرهم إلى الجنة. Ils seront arrêtés entre le feu et le paradis. Ils verront les gens du paradis. Ils verront les gens du feu. D'accord? Et par la suite, il leur sera dit de rentrer au paradis. والدليل قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أكثرتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Dans le sens où Allah dit, et que les gens des A'raf appelleront des gens, c'est-à-dire parmi des gens de l'enfer, en leur disant qu'ils reconnaîtront, c'est-à-dire des gens de l'enfer qui reconnaîtront parfaitement parmi les gens qui connaissent la dunya, en leur disant votre grand nombre et votre orgueil ne servent à rien du tout. C'est-à-dire dans cette dunya, vous étiez un grand nombre, vous étiez orgueilleux, regardez aujourd'hui où vous en êtes, cela ne vous servira à rien du tout. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة إلى سعادية سجون du feu. Ces gens-là, c'est-à-dire en visant les gens des A'raf, est-ce ces gens-là dont vous juriez que Allah ne leur apportera pas de miséricorde, après il sera dit aux gens des A'raf, rentrez au paradis, plus de peur sur vous, vous ne serez point attristés. Dans Surat al-A'raf, versets 48 à 49. Donc en premier lieu, pour récapituler le verset, les gens des A'raf verront les gens du feu et les reconnaîtront parfaitement parmi leurs amis, les gens de la dunya qu'ils connaissaient, leur disant, votre orgueil et votre grand nombre ne vous servent à rien du tout. Après, il sera dit à ces gens-là du feu, qui eux verront les gens des A'raf, pour leur dire, sont-ils ces gens-là des A'raf que vous voyez là, que vous voyez, que Allah ne leur fera pas miséricorde, pour leur dire, vous avez menti. Et troisième parole, il sera dit aux gens des A'raf, entrez au paradis. هذا الذي أخذنا اليوم وكملنا بهذا هذا الباب بما يتعلق بالأمور في اليوم الآخر. On va finir, alhamdulillah. Ce qui touche la croyance au jour dernier, et par la suite entrerons dans ce qui touche au destin. Subhanahu wa ta'ala, a'lam, insha'Allah ta'ala, walhamdulillah bil alamin.